L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. De forts indices d'un nouvel océan dans notre système solaire viennent d'être découverts. Quelques semaines à peine après des informations semblables concernant Pluton et Europe, c'est aujourd'hui au tour de Dione, le quatrième satellite de Saturne, de montrer des signes d'un très profond océan situé sous une très épaisse couche de glace. Dione a été imagé de près pour la première fois par les sondes Voyager dans les années 80. Et plus récemment, la sonde Cassini y a effectué 5 survols depuis son arrivée en orbite de Saturne. Les premiers survols ont indiqué quelques indices d'une activité géologique, mais sans preuve éclatante comme celle des geysers de vapeur s'échappant de la croûte de Encelade, son satellite voisin et avec lequel Dione est en résonance gravitationnelle. Cette nouvelle étude, conduite par l'astronome Michael Beuth de l'Observatoire Royal de Belgique et publiée dans Geophysical Research Letters, est fondée sur des mesures de champ gravitationnel de la sonde Cassini au voisinage de Encelade et de Dione. À partir des minuscules variations de vitesse de la sonde à l'approche de chacun des deux satellites, qui sont mesurées par effet Doppler, des ondes radio envoyées par la sonde, les chercheurs parviennent à modéliser l'intérieur des petits corps de manière à reproduire exactement les mouvements de la sonde, qui sont soumis uniquement à la gravité locale. Les premiers indices d'un océan sur Encelade avaient ainsi été mis en évidence en 2010 et 2012, puis en 2014, il devenait certain qu'un océan y était présent à son pôle sud. Puis en 2015, des mesures indépendantes concluaient que cet océan était global sur Encelade. Pour Dione, les chercheurs ont utilisé exactement la même méthode de mesure des variations de vitesse de Cassini, mais légèrement améliorée. En utilisant un modèle géophysique de Dione incorporant une croûte de glace flottant entre guillemets au-dessus d'un manteau liquide recouvrant un noyau rocheux, les astrophysiciens montrent que les mesures de gravité de Cassini sont compatibles avec une croûte de 99 km de glace surplombant un océan liquide de 65 km de profondeur. Le noyau rocheux représenterait 70% du rayon de Dione. D'après Michael Beuth, des mesures indépendantes d'observation de la libration de Dione, comme celles qui avaient pu être faites sur Encelade, ne pourront pas être effectuées du fait que Dione est plus sphérique que Encelade et que sa croûte serait bien plus épaisse. Une des causes possibles de la présence d'eau liquide sur Dione est que son noyau rocheux est relativement important et comporte des éléments radioactifs naturels, comme tous les corps rocheux. Il dégage donc naturellement de la chaleur, suffisamment pour faire fondre la glace. Mais on ne sait pas encore si Dione serait en train de fondre ou en train de geler. Car il est possible que l'histoire de Dione ne soit pas très ancienne. En tout cas, pas aussi ancienne que celle du système solaire. On peut néanmoins noter qu'une glaciation produirait une expansion, le volume de glace étant plus important que celui de l'eau liquide, ce qui provoquerait des fissures au niveau de la surface, et ce qui n'est pas observé. Au vu de la grande épaisseur qu'aurait la croûte de glace de Dione, la présence de geysers de vapeur similaires à ceux de Encelade et de Europe semble difficile à imaginer. Aucun n'a encore été détecté et malheureusement la sonde Cassini ne repassera plus du côté de Dione, sa mission arrivant bientôt à son terme. Il faudra donc une autre mission pour aller voir de plus près ce qui se cache sous la glace du satellite saturnien, ainsi que de celle de son comparse Encelade, mais cela risque fort d'attendre plusieurs décennies. L'article de Michael Beuth et ses collaborateurs est paru dans Geophysical Research Letters le 28 septembre 2016 et il a pour titre « Enceladus and Dione floating ice shells supported by minimum stress isostasy ».